Section 4 de Compilation de contes par Marie-Catherine d'Aulnoy. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehan. Compilation de contes par Marie-Catherine d'Aulnoy. La biche au bois. Il était une fois un roi et une reine dont l'union était parfaite. Ils s'aimaient tendrement et leurs sujets les adoraient. Mais il manquait à la satisfaction des uns et des autres de leur voir un héritier. La reine, qui était persuadée que le roi l'aimerait encore davantage, si elle en avait un, ne manquait pas, au printemps, d'aller boire des eaux, qui étaient excellentes. L'on y venait en foule, et le nombre d'étrangers était si grand qu'il s'en trouvait là de toutes les parties du monde. Il y avait plusieurs fontaines, dans un grand bois, où l'on allait boire. Elles étaient entourées de marbre et de porphyre, car chacun se piquait de les embellir. Un jour que la reine était assise au bord de la fontaine, elle dit à toutes ses dames de s'éloigner et de la laisser seule. Puis elle commença ses plaintes ordinaires. « Ne suis-je pas bien malheureuse, dit-elle, de n'avoir point d'enfants? Les plus pauvres femmes en ont. Il y a 5 ans que j'en demande au ciel. Je n'ai pu encore le toucher. Mourrai-je sans avoir cette satisfaction ?» Comme elle parlait ainsi, elle remarqua que l'eau de la fontaine s'agitait. Puis une grosse écrevisse parut et lui dit « Grande reine, vous aurez enfin ce que vous désirez. Je vous avertis qu'il y a ici, proche, un palais superbe que les fées ont bâti. Mais il est impossible de le trouver parce qu'il est environné de nuées fort épaisses que l'œil d'une personne mortelle ne peut pénétrer. Cependant, comme je suis votre très humble servante, si vous voulez vous fier à la conduite d'une pauvre écrevisse, je m'offre de vous y mener. » La reine l'écoutait sans l'interrompre, la nouveauté de voir parler une écrevisse l'ayant fort surprise. Elle lui dit qu'elle accepterait avec plaisir ses offres, mais qu'elle ne savait pas aller en reculant, comme elle. L'écrevisse sourit, et sur le champ, elle prit la figure d'une belle petite vieille. « Eh bien, madame, lui dit-elle, n'allons pas à reculons, j'y consens, mais surtout, regardez-moi comme une de vos amies, car je ne souhaite que ce qui peut vous être avantageux. » Elle sortit de la fontaine sans être mouillée. Ses habits étaient blancs, doublés de cramoisi, et ses cheveux gris tout renoués de rubans verts. Il ne s'est guère vu de vieille dont l'air fut plus galant. Elle salua la reine et elle en fut embrassée. Et sans parler davantage, elle la conduisit dans une route du bois qui surprit cette princesse. Car, encore qu'elle y fût venue 1000 et 1000 fois, elle n'était jamais entrée dans celle-là. Comment y serait-elle entrée? C'était le chemin des fées pour aller à la fontaine. Il était ordinairement fermé de ronces et d'épines. Mais quand la reine et sa conductrice parurent, aussitôt les rosiers poussèrent des roses. Les jasmins et les orangers entrelacèrent leurs branches pour faire un berceau couvert de feuilles et de fleurs. La terre fut couverte de violettes. 1000 oiseaux différents chantaient à l'envi sur les arbres. La reine n'était pas encore revenue de sa surprise lorsque ses yeux furent frappés par l'éclat sans pareil d'un palais tout de diamants. Les murs et les toits, les plafonds, les planchers, les degrés, les balcons, jusqu'aux terrasses, tout était de diamants. Dans l'excès de son admiration, elle ne put s'empêcher de pousser un grand cri et de demander à la vieille qui l'accompagnait si ce qu'elle voyait était un songe ou une réalité. « Rien n'est plus réel, madame, » répliqua-t-elle. Aussitôt, les portes du palais s'ouvrirent. Il en sortit 6 fées, mais quelles fées ! Les plus belles et les plus magnifiques qui aient jamais paru dans leur empire. Elles vinrent toutes faire une profonde révérence à la reine et chacune lui présenta une fleur de pierreries pour lui faire un bouquet. Il y avait une rose, une tulipe, une anémone, une ancolie, un œillet et une grenade. « Madame, lui dirent-elles, nous ne pouvons pas vous donner une plus grande marque de notre considération qu'en vous permettant de nous venir voir ici. » Nous sommes bien aises de vous annoncer que vous aurez une belle princesse que vous nommerez Désirée, car l'on doit avouer qu'il y a longtemps que vous la désirez. Ne manquez pas, aussitôt qu'elle sera au monde, de nous appeler, parce que nous voulons la douer de toutes sortes de bonnes qualités. Vous n'avez qu'à prendre le bouquet que nous vous donnons et nommer chaque fleur en pensant à nous. Soyez certaine qu'aussitôt nous serons dans votre chambre. La reine, transportée de joie, se jeta à leur cou et les embrassades durèrent plus d'une grosse demi-heure. Après cela, elles prièrent la reine d'entrer dans leur palais, dont on ne peut faire une assez belle description. Elles avaient pris pour le bâtir l'architecte du soleil. Il avait fait en petit ce que celui du soleil est en grand. La reine, qui n'en soutenait l'éclat qu'avec peine, fermait à tout moment les yeux. Elle la conduisirent dans leur jardin. Il n'a jamais été de si beaux fruits. Les abricots étaient plus gros que la tête, et l'on ne pouvait manger une cerise sans la couper en quatre. D'un goût si exquis qu'après que la reine en eut mangé, elle ne voulut de sa vie en manger d'autre. Il y avait un verger, tout d'arbres factices, qui ne laissait pas d'avoir vie et de croître, comme les autres. De dire tous les transports de la reine, combien elle parla de la petite princesse désirée, combien elle remercia les aimables personnes qui lui annonçaient une si agréable nouvelle, c'est ce que je n'entreprendrai point, mais enfin, il n'y eut aucun terme de tendresse et de reconnaissance oublié. La fée de la fontaine y trouva toute la part qu'elle méritait. La reine demeura jusqu'au soir dans le palais. Elle aimait la musique, on lui fit entendre des voix qui lui parurent célestes. On la chargea de présents et, après avoir remercié ces grandes dames, elle revint avec la fée de la fontaine. Toute sa maison était fort en peine d'elle, on la cherchait avec beaucoup d'inquiétude, on ne pouvait imaginer en quel lieu elle était. Il craignait même que quelques étrangers audacieux ne l'eussent enlevée, car elle avait de la beauté et de la jeunesse, de sorte que chacun témoigna une joie extrême à son retour. Et comme elle ressentait de son côté une satisfaction infinie des bonnes espérances qu'on venait de lui donner, elle avait une conversation agréable et brillante qui charmait tout le monde. La fée de la fontaine la quitta proche de chez elle. Les compliments et les caresses redoublèrent à leur séparation. Et la reine, étant restée encore 8 jours aux eaux, ne manqua pas de retourner au palais des fées avec sa coquette vieille, qui paraissait d'abord en écrevisse, et puis qui prenait sa forme naturelle. La reine partit, elle devint grosse, et mit au monde une princesse qu'elle appela Désirée. Aussitôt, elle prit le bouquet qu'elle avait reçu. Elle nomma toutes les fleurs l'une après l'autre, et sur le champ, on vit arriver les fées. Chacune avait son chariot, de différentes manières. L'un était d'ébène, tiré par des pigeons blancs, d'autres d'ivoire que de petits corbeaux traînaient, d'autres encore de cèdre et de canembou. C'était là leur équipage d'alliance et de paix, car, lorsqu'elles étaient fâchées, ce n'étaient que des dragons volants, que des couleuvres qui jetaient le feu par la gueule et par les yeux, que lions, que léopards, que panthères, sur lesquels elles se transportaient d'un bout du monde à l'autre en moins de temps qu'il n'en faut pour dire bonjour ou bonsoir. Mais cette fois-ci, elles étaient de la meilleure humeur possible. La reine les vit entrer dans sa chambre avec un air gai et majestueux. Leurs nains et leurs naines les suivaient, tout chargés de présents. Après qu'elles eurent embrassé la reine et baisé la petite princesse, elles déployèrent sa layette, dont la toile était si fine et si bonne qu'on pouvait s'en servir 100 ans sans l'user. Les fées la filaient à leurs heures de loisir. Pour les dentelles, elles surpassaient encore ce que j'ai dit de la toile. Toute l'histoire du monde y était représentée, soit à l'aiguille ou au fuseau. Après cela, elles montrèrent les langes et les couvertures qu'elles avaient brodées exprès. L'on y voyait représenter 1000 jeux différents auxquels les enfants s'amusent. Depuis qu'il y a des brodeurs et des brodeuses, il ne s'est rien vu de si merveilleux. Mais quand le berceau parut, la reine s'écria d'admiration, car il surpassait encore tout ce qu'elle avait vu jusqu'alors. Il était d'un bois si rare qu'il coûtait 100 000 écus la livre. 4 petits amours le soutenaient. C'étaient 4 chefs-d'œuvre, où l'art avait tellement surpassé la matière, quoiqu'elle fût de diamants ou de rubis, que l'on n'en peut assez parler. Ces petits amours avaient été animés par les fées, de sorte que, lorsque l'enfant criait, il le berçait et l'endormait. Cela était d'une commodité merveilleuse pour les nourrices. Les fées prirent elles-mêmes la petite princesse sur leurs genoux, elles l'emmaillotèrent et lui donnèrent 100 baisers, car elle était déjà si belle qu'on ne pouvait la voir sans l'aimer. Elles remarquèrent qu'elle avait besoin de téter. Aussitôt, elles frappèrent la terre avec leurs baguettes. Il parut une nourrice telle qu'il la fallait pour cet enfant poupard. Il ne fut plus question que de douer l'enfant. Les fées s'empressèrent de le faire. L'une la doua de vertu et l'autre d'esprit. La troisième, d'une beauté miraculeuse. Celle d'après, d'une heureuse fortune. La cinquième lui désira une longue santé. Et la dernière, qu'elle fît bien toutes les choses qu'elle entreprendrait. La reine, ravie, les remerciait 1000 et 1000 fois des faveurs qu'elle venait de faire à la petite princesse. Lorsqu'on vit entrer dans la chambre une si grosse écrevisse que la porte fut à peine assez large pour qu'elle pût passer. « Ah ! Trop ingrate reine ! » dit l'écrevisse. Vous n'avez donc pas daigné vous souvenir de moi ? Est-il possible que vous ayez sitôt oublié la fée de la fontaine et les bons offices que je vous ai rendus en vous menant chez mes sœurs ? Quoi ? Vous les avez toutes appelées ? Je suis la seule que vous négligez ? Il est certain que j'en avais un pressentiment, et c'est ce qui m'obligea de prendre la figure d'une écrevisse lorsque je vous parlais la première fois, voulant marquer par là que votre amitié, au lieu d'avancer, reculerait. La reine, inconsolable de la faute qu'elle avait faite, l'interrompit et lui demanda pardon. Elle lui dit qu'elle avait cru nommer sa fleur comme celle des autres, que c'était le bouquet de pierreries qui l'avait trompée, qu'elle n'était pas capable d'oublier les obligations qu'elle lui avait, qu'elle la suppliait de ne lui point ôter son amitié, et particulièrement d'être favorable à la princesse. Toutes les fées, qui craignaient qu'elle ne la doie de misères et d'infortunes, secondèrent la reine pour l'adoucir. « Ma chère sœur, lui disait-elle, que votre Altesse ne soit point fâchée contre une reine qui n'a jamais eu dessein de vous déplaire. Quittez de grâce cette figure d'écrevisse. Faites que nous vous voyons, avec tous vos charmes. » J'ai déjà dit que la fée de la fontaine était assez coquette. Les louanges que ses sœurs lui donnèrent l'adoucirent un peu. « Eh bien, dit-elle, je ne ferai pas à désirer tout le mal que j'avais résolu, car, assurément, j'avais envie de la perdre, et rien n'aurait pu m'en empêcher. Cependant, je veux bien vous avertir que si elle voit le jour avant l'âge de 15 ans, elle aura lieu de s'en repentir. Il lui en coûtera peut-être la vie. » Les pleurs de la reine et les prières des illustres fées ne changèrent point l'arrêt qu'elle venait de prononcer. Elle se retira à reculons, car elle n'avait pas voulu quitter sa robe d'écrevisse. Dès qu'elle fut éloignée de la chambre, la triste reine demanda aux fées un moyen pour préserver sa fille des maux qui la menaçaient. Elles tinrent aussitôt conseil, et enfin, après avoir agité plusieurs avis différents, elles s'arrêtèrent à celui-ci, qu'il fallait bâtir un palais sans porte ni fenêtre, y faire une entrée souterraine et nourrir la princesse dans ce lieu jusqu'à l'âge fatal où elle était menacée. 3 coups de baguette commencèrent et finirent ce grand édifice. Il était de marbre blanc et vert par dehors. Les plafonds et les planchers, de diamants et d'émeraudes, qui formaient des fleurs, des oiseaux et 1000 choses agréables. Tout était tapissé de velours de différentes couleurs, brodées de la main des fées. Et comme elles étaient savantes dans l'histoire, elles s'étaient fait un plaisir de tracer les plus belles et les plus remarquables. L'avenir n'y était pas moins présent que le passé. Les actions héroïques du plus grand roi du monde remplissaient plusieurs tentures. Ici, du démon de la trace, il a le port victorieux. Les éclairs redoublés qui partent de ses yeux marquent sa belliqueuse audace. Là, plus tranquille et plus serein, il gouverne la France en une paix profonde. Il fait voir par ses lois que le reste du monde lui doit envier son destin. Par les peintres les plus habiles, il y paraît ses peints avec ses divers traits, redoutable en prenant des villes, généreux en faisant la paix. Ces sages fées avaient imaginé ce moyen pour apprendre plus aisément à la jeune princesse les divers événements de la vie des héros et des autres hommes. L'on ne voyait chez elle que par la lumière des bougies, mais il y en avait une si grande quantité qu'elle faisait un jour perpétuel. Tous les maîtres dont elle avait besoin pour se rendre parfaite furent conduits en ce lieu. Son esprit, sa vivacité et son adresse prévenaient presque toujours ce qu'il voulait lui enseigner. Et chacun d'eux demeurait dans une admiration continuelle des choses surprenantes qu'elle disait dans un âge où les autres savent à peine nommer leur nourrice. Aussi n'est-on pas doué par les fées pour demeurer ignorante et stupide. Si son esprit charmait tous ceux qui l'approchaient, sa beauté n'avait pas des effets moins puissants. Elle ravissait les plus insensibles. Et la reine, sa mère, ne l'aurait jamais quitté de vue si son devoir ne l'avait pas attaché auprès du roi. Les bonnes fées venaient voir la princesse de temps en temps. Elles lui apportaient des raretés sans pareil, des habits si bien entendus, si riches et si galants, qu'ils semblaient avoir été faits pour la noce d'une jeune princesse, qui n'était pas moins aimable que celle dont je parle. Mais, entre toutes les fées qui la chérissaient, Tulipe l'aimait davantage, et recommandait plus soigneusement à la reine de ne lui pas laisser voir le jour avant qu'elle eût 15 ans. « Notre sœur de la fontaine est vindicative, lui disait-elle. Quelque intérêt que nous prenions à cet enfant, elle lui fera du mal si elle peut. Ainsi, madame, vous ne sauriez être trop vigilante là-dessus. » La reine lui promettait de veiller sans cesse à une affaire si importante. Mais comme sa chère fille approchait du temps où elle devait sortir de ce château, elle la fit peindre. Son portrait fut porté dans les plus grandes cours de l'univers. À sa vue, il n'y eut aucun prince qui se défendît de l'admirer. Mais il y en eut un qui en fut si touché qu'il ne pouvait plus s'en séparer. Il le mit dans son cabinet, il s'enfermait avec lui, et lui parlant comme s'il eût été sensible, qu'il eût pu l'entendre, il lui disait les choses du monde les plus passionnées. Le roi, qui ne voyait presque plus son fils, s'informa de ses occupations et ce qui pouvait l'empêcher de paraître aussi gai qu'à son ordinaire. Quelques courtisans, trop empressés de parler, car il y en a plusieurs de ce caractère, lui dirent qu'il était à craindre que le prince ne perdît l'esprit, parce qu'il demeurait des jours entiers, enfermé dans son cabinet, où l'on entendait qu'il parlait seul, comme s'il eût été avec quelqu'un. Le roi reçut cet avis avec inquiétude. « Est-il possible, disait-il à ses confidents, que mon fils perde la raison ? Il en a toujours tant marqué. Vous savez l'admiration qu'on a eue pour lui jusqu'à présent, et je ne trouve encore rien d'égaré dans ses yeux. Il me paraît seulement plus triste. Il faut que je l'entretienne. Je démêlerai peut-être de quelle sorte de folie il est attaqué. » En effet, il l'envoya quérir. Il commanda qu'on se retirât, et après plusieurs choses auxquelles il n'avait pas une grande attention, et auxquelles aussi il répondit assez mal, le roi lui demanda ce qu'il pouvait avoir, pour que son humeur et sa personne fussent si changées. Le prince, croyant ce moment favorable, se jeta à ses pieds. « Vous avez résolu, lui dit-il, de me faire épouser la princesse noire. Vous trouverez des avantages dans son alliance que je ne puis vous promettre dans celle de la princesse désirée. Mais, seigneur, je trouve des charmes dans celle-ci que je ne rencontrerai point dans l'autre. » « Et où les avez-vous vus ? » dit le roi. « Les portraits de l'une et de l'autre m'ont été apportés, » répliqua le prince, guerrier. C'est ainsi qu'on le nommait depuis qu'il avait gagné 3 grandes batailles. Je vous avoue que j'ai pris une si forte passion pour la princesse désirée que si vous ne retirez les paroles que vous avez données à la noire, il faut que je meure, heureux de cesser de vivre en perdant l'espérance d'être à ce que j'aime. C'est donc avec son portrait, reprit gravement le roi, que vous prenez en gré de faire des conversations qui vous rendent ridicule à tous les courtisans. Ils vous croient insensé, et si vous saviez ce qui m'est revenu là-dessus, vous auriez honte de marquer tant de faiblesse. Je ne puis me reprocher une si belle flamme, répondit-il. Lorsque vous aurez vu le portrait de cette charmante princesse, vous approuverez ce que je sens pour elle. Allez donc le quérir tout à l'heure, dit le roi avec un air d'impatience qui faisait assez connaître son chagrin. Le prince en aurait eu de la peine s'il n'avait pas été certain que rien au monde ne pouvait égaler la beauté de Désiré. Il courut dans son cabinet et revint chez le roi. Il demeura presque aussi enchanté que son fils. « Ah ! Dit-il, mon cher guerrier, je consens à ce que vous souhaitez. Je rajeunirai lorsque j'aurai une si aimable princesse à ma cour. Je vais dépêcher sur le champ des ambassadeurs à celle de la Noire pour retirer ma parole. Quand je devrais avoir une rude guerre contre elle, j'aime mieux m'y résoudre. » Le prince baisa respectueusement les mains de son père et lui embrassa plus d'une fois les genoux. Il avait tant de joie qu'on le reconnaissait à peine. Il pressa le roi de dépêcher des ambassadeurs, non seulement à la Noire, mais aussi à la Désirée. Il souhaita qu'il choisît pour cette dernière l'homme le plus capable et le plus riche, parce qu'il fallait paraître dans une occasion si célèbre et persuader ce qu'il désirait. Le roi jeta les yeux sur Becafig. C'était un jeune seigneur très éloquent qui avait 100 millions de rente. Il aimait passionnément le prince guerrier. Il fit pour lui plaire le plus grand équipage et la plus belle livrée qu'il put imaginer. Sa diligence fut extrême, car l'amour du prince augmentait chaque jour, et sans cesse il le conjurait de partir. « Songez, lui disait-il confidemment, qu'il y va de ma vie, que je perds l'esprit lorsque je pense que le père de cette princesse peut prendre des engagements avec quelque autre, sans vouloir les rompre en ma faveur, et que je la perdrai pour jamais. » Becafig le rassurait, afin de gagner du temps, car il était bien aise que sa dépense lui fît honneur. Il mena 80 carrosses, tout brillants d'or et de diamants. La miniature la mieux finie n'approche pas de celle qui les ornait. Il y avait 50 autres carrosses, 24 000 pages à cheval, plus magnifiques que les princes. Et le reste de ce grand cortège ne se démentait en rien. Lorsque l'ambassadeur prit son audience de congé du prince, il l'embrassa étroitement, Souvenez-vous, mon cher Bécafig, lui dit-il, que ma vie dépend du mariage que vous allez négocier. N'oubliez rien pour persuader et amener l'aimable princesse que j'adore. » Il le chargea aussitôt de 1000 présents où la galanterie égalait la magnificence. Ce n'étaient que devises amoureuses, gravées sur des cachets de diamants, des montres dans des escarboucles, chargées des chiffres de désirés, des bracelets de rubis taillés en cœur. Enfin, que n'avait-il pas imaginé pour lui plaire ? L'ambassadeur portait le portrait de ce jeune prince, qui avait été peint par un homme si savant qu'il parlait et faisait de petits compliments pleins d'esprit. À la vérité, il ne répondait pas à tout ce qu'on lui disait, mais il ne s'en fallait guère. Bécafig promit au prince de ne rien négliger pour sa satisfaction, et il ajouta qu'il portait tant d'argent que si on lui refusait la princesse, il trouverait le moyen de gagner quelqu'une de ses femmes et de l'enlever. « Ah ! » s'écria le prince, « je ne puis m'y résoudre. Elle serait offensée d'un procédé si peu respectueux. » Bécafig ne répondit rien là-dessus et partit. Le bruit de son voyage prévint son arrivée. Le roi et la reine en furent ravis. Ils estimaient beaucoup son maître et savaient les grandes actions du prince guerrier. Mais ce qu'ils connaissaient encore mieux, c'était son mérite personnel. De sorte que, quand ils auraient cherché dans tout l'univers un mari pour leur fille, ils n'auraient su en trouver un plus digne d'elle. On prépara un palais pour loger Bécafig et l'on donna tous les ordres nécessaires pour que la cour parût dans la dernière magnificence. Le roi et la reine avaient résolu que l'ambassadeur verrait Désiré. Mais la fée Tulipe vint trouver la reine et lui dit « Gardez-vous bien, madame, de mener Bécafig chez notre enfant. » C'est ainsi qu'elle nommait la princesse. « Il ne faut pas qu'il la voie si tôt, et ne consentez point à l'envoyer chez le roi qui la demande, qu'elle n'ait passé 15 ans, car je suis assurée que si elle part plus tôt, il lui arrivera quelque malheur. » La reine, embrassant la bonne Tulipe, elle lui promit de suivre ses conseils, et sur le champ, elles allèrent voir la princesse. L'ambassadeur arriva, son équipage demeura 23 heures à passer, car il avait 600 000 mulets dont les clochettes et les fers étaient d'or, leurs couvertures de velours et de brocart en broderie de perles. C'était un embarras sans pareil dans les rues. Tout le monde était accouru pour le voir. Le roi et la reine allèrent au-devant de lui tant ils étaient aises de sa venue. Il est inutile de parler de la harangue qu'il fit et des cérémonies qui se passèrent de part et d'autre. On peut assez les imaginer. Mais lorsqu'il demanda à saluer la princesse, il demeura bien surpris que cette grâce lui fût déniée. « Si nous vous refusons, seigneur Bécafig, lui dit le roi, une chose qui paraît si juste, ce n'est point par un caprice qui nous soit particulier. Il faut vous raconter l'étrange aventure de notre fille, afin que vous y preniez part. Une fée, au moment de sa naissance, la prit en aversion, et la menaça d'une très grande infortune si elle voyait le jour avant l'âge de 15 ans. Nous la tenons dans un palais où les plus beaux appartements sont sous terre. Comme nous étions dans la résolution de vous y mener, la fée Tulipe nous a prescrit de n'en rien faire. « Eh quoi, sire ? » répliqua l'ambassadeur. « Aurais-je le chagrin de m'en retourner sans elle ? Vous l'accordez au roi, mon maître, pour son fils ? Elle est attendue, avec 1000 impatiences. Est-il possible que vous vous arrêtiez à des bagatelles, comme sont les prédictions des fées ? Voilà le portrait du prince guerrier que j'ai ordre de lui présenter. Il est si ressemblant que je crois le voir lui-même lorsque je le regarde. » Il le déploya aussitôt. Le portrait, qui n'était instruit que pour parler à la princesse, dit « Belle Désirée, vous ne pourrez imaginer avec quelle ardeur je vous attends. Venez bientôt dans notre cour, l'ornée des grâces qui vous rendent incomparable. » Le portrait ne dit plus rien. Le roi et la reine demeurèrent si surpris qu'ils prièrent Bécafig de le leur donner, pour le porter à la princesse. Il en fut ravi et le remit entre leurs mains. La reine n'avait point parlé jusqu'alors à sa fille de ce qui se passait. Elle avait même défendu aux dames qui étaient auprès d'elle de lui rien dire de l'arrivée de l'ambassadeur. Elle ne lui avait pas obéi, et la princesse savait qu'il s'agissait d'un grand mariage. Mais elle était si prudente qu'elle n'en avait rien témoigné à sa mère. Quand elle lui montra le portrait du prince qui parlait et qui lui fit un compliment aussi tendre que galant, elle en fut fort surprise, car elle n'avait rien vu d'égal à cela, et la bonne mine du prince, l'air d'esprit, la régularité de ses traits, ne l'étonnait pas moins que ce que disait le portrait. « Seriez-vous fâché, lui dit la reine en riant, d'avoir un époux qui ressemblât à ce prince ?»« Madame, répliqua-t-elle, ce n'est point à moi à faire un choix. Ainsi, je serai toujours contente de celui que vous me destinerez. » Mais enfin, ajouta la reine, si le sort tombait sur lui, ne vous estimeriez-vous pas heureuse ? Elle rougit, baissa les yeux et ne répondit rien. La reine la prit entre ses bras et la baisa plusieurs fois. Elle ne put s'empêcher de verser des larmes lorsqu'elle pensa qu'elle était sur le point de la perdre, car il ne s'en fallait plus que 3 mois, qu'elle n'eût 15 ans. Et cachant son déplaisir, elle lui déclara tout ce qui la regardait dans l'ambassade du célèbre Bekafig. Elle lui donna même les raretés qu'il avait apportées pour lui présenter. Elle les admira, elle loua avec beaucoup de goût ce qu'il y avait de plus curieux. Mais de temps en temps, ses regards s'échappaient pour s'attacher sur le portrait du prince avec un plaisir qui lui avait été inconnu jusqu'alors. L'ambassadeur, voyant qu'il faisait des instances inutiles pour qu'on lui donnât la princesse et qu'on se contentait de la lui promettre, mais si solennellement qu'il n'y avait pas lieu d'en douter, demeura peu auprès du roi et retourna en poste rendre compte à ses maîtres de sa négociation. Quand le prince sut qu'il ne pouvait espérer sa chère désirée de plus de 3 mois, il fit des plaintes qui affligèrent toute la cour. Il ne dormait plus, il ne mangeait point, il devint triste et rêveur. La vivacité de son teint se changea en couleur de souci. Il demeurait des jours entiers couché sur un canapé dans son cabinet à regarder le portrait de sa princesse et lui écrivait à tout moment et présentait les lettres à ce portrait comme s'il eût été capable de les lire. Enfin, ses forces diminuèrent peu à peu, il tomba dangereusement malade, et pour en deviner la cause, il ne fallait ni médecin, ni docteur. Le roi se désespérait. Il aimait son fils plus tendrement que jamais père n'a aimé le sien. Il se trouvait sur le point de le perdre. Quelle douleur pour un père ! Il ne voyait aucun remède qui pût guérir le prince. Il souhaitait désirer, sans elle, il fallait mourir. Il prit donc la résolution, dans une si grande extrémité, d'aller trouver le roi et la reine qu'il avait promise, pour les conjurer d'avoir pitié de l'état où le prince était réduit, et de ne plus différer un mariage qui ne se ferait jamais s'il voulait obstinément attendre que la princesse eût 15 ans. Cette démarche était extraordinaire, mais elle aurait été bien davantage s'il eût laissé périr un fils si aimable et si cher. Cependant, il se trouva une difficulté qui était insurmontable. C'est que son grand âge ne lui permettait que d'aller en litière, et cette voiture s'accordait mal avec l'impatience de son fils, de sorte qu'il envoya en poste le fidèle Bekafig, et il écrivit les lettres du monde les plus touchantes pour engager le roi et la reine à ce qu'il souhaitait. Pendant ce temps, Désiré n'avait guère moins de plaisir à voir le portrait du prince qu'il en avait à regarder le sien. Elle allait à tout moment dans le lieu où il était. Et quelque soin qu'elle prit de cacher ses sentiments, on ne laissait pas de les pénétrer. Entre autres, Giroflée et Longue Épine, qui étaient ses filles d'honneur, s'aperçurent des petites inquiétudes qui commençaient à la tourmenter. Giroflée l'aimait passionnément et lui était fidèle. Longue Épine, de tout temps, sentait une jalousie secrète de son mérite et de son rang. Sa mère avait élevé la princesse. Après avoir été sa gouvernante, elle devint sa dame d'honneur. Elle aurait dû l'aimer comme la chose du monde la plus aimable, quoiqu'elle chérît sa fille jusqu'à la folie, et voyant la haine qu'elle avait pour la belle princesse, elle ne pouvait lui vouloir du bien. L'ambassadeur, que l'on avait dépêché à la cour de la princesse noire, ne fut pas bien reçu lorsqu'on apprit le compliment dont il était chargé. Cette Éthiopienne était la plus vindicative du monde. Elle trouva que c'était la traiter cavalièrement, après avoir pris des engagements avec elle, de lui envoyer dire ainsi qu'on la remerciait. Elle avait vu un portrait du prince dont elle s'était entêtée, et les Éthiopiennes, quand elles se mêlent d'aimer, aiment avec plus d'extravagance que les autres. « Comment, monsieur l'ambassadeur, dit-elle, est-ce que votre maître ne me croit pas assez riche ni assez belle ? Promenez-vous dans mes états, vous trouverez qu'il n'en est guère de plus vaste. Venez dans mon trésor royal, voir plus d'or que toutes les mines du Pérou n'en ont jamais fourni. Enfin, regardez la noirceur de mon teint, ce nez écrasé, ces grosses lèvres. N'est-ce pas ainsi qu'il faut être pour être belle ? Madame, répondit l'ambassadeur, qui craignait les bastonnades plus que tous ceux qu'on envoie à la porte, je blâme mon maître autant qu'il ait permis à un sujet. Et si le ciel m'avait mis sur le premier trône de l'univers, je sais vraiment bien à qui je l'offrirais. Cette parole vous sauvera la vie, lui dit-elle. J'avais résolu de commencer ma vengeance sur vous. Mais il y aurait de l'injustice, puisque vous n'êtes pas cause du mauvais procédé de votre prince. Allez lui dire qu'il me fait plaisir de rompre avec moi, parce que je n'aime pas les malhonnêtes gens. » L'ambassadeur, qui ne demandait pas mieux que son congé, l'eut à peine obtenu qu'il en profita. mais l'Éthiopienne était trop piquée contre le prince guerrier pour lui pardonner. Elle monta dans un char d'ivoire traîné par 6 autruches qui faisait 10 lieues par heure. Elle se rendit au palais de la fée de la fontaine. C'était sa marraine et sa meilleure amie. Elle lui raconta son aventure et la pria avec les dernières instances de servir son ressentiment. La fée fut sensible à la douleur de sa filleule. Elle regarda dans le livre qui dit tout et elle connut aussitôt que le prince guerrier ne quittait la princesse noire que pour la princesse désirée, qu'il l'aimait éperdument et qu'il était même malade de la seule impatience de la voir. Cette connaissance ralluma sa colère, qui était presque éteinte, et comme elle ne l'avait pas vue depuis le moment de sa naissance, il est à croire qu'elle aurait négligé de lui faire du mal si la vindicative Noiron ne l'en avait conjuré. « Quoi ? S'écria-t-elle. Cette malheureuse désirée veut donc toujours me déplaire ? Non, charmante princesse, non, ma mignonne, je ne souffrirai pas qu'on te fasse un affront. Les cieux et tous les éléments s'intéressent dans cette affaire. Retourne chez toi et te repose sur ta chère marraine. » La princesse noire la remercia, elle lui fit des présents de fleurs et de fruits qu'elle reçut fort agréablement. L'ambassadeur Bécafig s'avançait en toute diligence vers la ville capitale où le père de Désiré faisait son séjour. Il se jeta aux pieds du roi et de la reine. Il versa beaucoup de larmes et leur dit dans les termes les plus touchants que le prince guerrier mourrait s'il lui retardait plus longtemps le plaisir de voir la princesse, leur fille, qu'il ne s'en fallait plus que 3 mois, qu'elle n'eût 15 ans. Qu'il ne lui pouvait rien arriver de fâcheux dans un espace si court, qu'il prenait la liberté de les avertir qu'une si grande crédulité pour de petites fées faisait tort à la majesté royale. Enfin, il harangua si bien qu'il eut le don de persuader. L'on pleura avec lui, se représentant le triste état où le jeune prince était réduit, et puis on lui dit qu'il fallait quelques jours pour se déterminer et lui répondre. Il repartit qu'il ne pouvait donner que quelques heures, que son maître était à l'extrémité, qu'il s'imaginait que la princesse le haïssait et que c'était elle qui retardait son voyage. On l'assura donc que le soir, il saurait ce qu'on pouvait faire. Fin de la section 4.